l'occasion de la journée de la brillante étoile, le corps des attachés militaires en Corée a offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le doyen Roman Osvaldo Jiménez Ortega, attaché militaire cubain, les a transmises le 14 courant au général d'armée de l'armée populaire de Corée Park Yong-si, ministre des forces armées populaires.